Aristote, dans le sixième livre de ses Problèmes, et Plutarque, dans le huitième de ses Symposiaques, rapporte un fait bien étonnant. Si l'on met, disait-il, sur le bois du palmier un poids très lourd, et qu'on le charge au point qu'il ne puisse supporter la masse qui agit sur lui, le palmier ne cédera pas, ne fléchira même pas. Au contraire, il résistera et se relèvera en formant une courbe. Voilà pourquoi, dit Plutarque, dans les combats, la branche de palmier est devenue le symbole de la victoire, parce qu'il est, dans la nature de ce bois, de ne jamais céder à la force qui le presse et l'opprime.